C'est première fois que j'entendais par WhatsApp parler. C'était capoté. Moi t'as fait passer. Et t'as pas fait marcher. Moi t'as ton jouré. Ton femme qui crie ta voix. Il met pas Thomas. C'est première fois que j'entendais par WhatsApp parler. C'était capoté. Moi t'as fait passer. Et t'as pas fait marcher. Moi dans ton jouré, yon femme qui fait ta boîte, il met pas gagne une femme pour ça. Peut éviter des amis la caillou. Faut capable prendre précaution. Faut pas prendre déception. Yon femme comme ça, mon cher. C'est corrigé qu'à évolué. Sauf pas prendre d'aller. Il pas bon pour vous. Yon homme qui gagne une femme pour ça. Peut éviter des amis la caillou. Faut capable prendre précaution. Faut pas prendre déception. Yon femme comme ça, mon cher. C'est corrigé qu'à évolué. Sauf pas mené n'aller, li pas bon pour vous, li met la cochon, li met les siwons, li met les bis, à grand la bagaille, li met la cochon, li met les siwons, li met les bis, à grand la bagaille, à la parole, à moi la patomate, les patomates. Mais pas tout, pas tout.